Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant et un peu tout ce qui tourne autour. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble pour la prochaine heure. Et ce soir, c'est pas parce que c'est le temps des vacances qu'il n'y a pas de nouveautés. Il y a déjà quelques groupes qui ont fait paraître des premiers extraits d'albums qui vont sortir au début d'année 2013, oui, 2013 très bientôt. Comme par exemple Waves, la chanson King of the Beach, si ça vous dit quelque chose, ben c'est de ce groupe-là Waves, et ils ont un nouvel extrait qui vient de sortir. Également aussi groupe local Crab, qui ont une nouvelle chanson aussi, dont que j'ai reçue cette semaine, que vous allez entendre également dans la prochaine heure. On va commencer avec une compilation produite par le magazine en ligne One for the People, qui depuis les trois dernières années, en fait à chaque année de leur anniversaire, sortent une compilation de groupes qu'ils aiment, voilà. Et cet automne, il y a le troisième volume qui vient de sortir, une compilation gratuite. On va entendre deux groupes qui figurent sur cette compilation-là, donc One for the People, que vous retrouverez gratuitement sur leur page Bandcamp. On va commencer par Psycho Horses, qui est un groupe britannique, et également on va aussi entendre Gorgeous Bully tout de suite après. Mais on débute avec Psycho Horses, qui sont plutôt français, je me suis trompé. Psycho Horses, la chanson Roma, à l'émission Le Terminus. Oh, Gorgeous Bully et la chanson Kidding qui se retrouve sur la compilation gratuite One for the People, produite pour le 3e anniversaire du site musical du même nom. Et on va enchaîner tout de suite avec Arnaud Michniak, anciennement de Diabologum et de Programme. Il vient tout juste de sortir un 2e album solo sous son propre nom, mais on va plutôt écouter une chanson du 1er album sorti en 2009. Voici Arnaud Michniak, À travers les gens comme au fond de moi, au 89.3 CISM. La formation Whirr qui s'écrit W-H-I-R-R et la chanson June Bouvelier tirée de leur premier album Pipe Dreams qui est sorti un peu plus tôt cette année. C'était précédé d'une très très très belle découverte de fin d'année. Il s'agit d'un trio de Toronto qui s'appelle Beliefs. Et en attendant leur deuxième album qui va sortir en mars prochain, ils ont sorti déjà deux chansons qui s'appellent Violettes et Catch My Breath. Catch My Breath, c'est celle que vous avez entendue. Et on sait déjà que My Bloody Valentine, vous savez, le mythique groupe Shoegaze, va sortir un nouvel album en 2013. On ne sait pas encore quand. Mais sinon, en attendant, on pourra se consoler en écoutant justement le nouvel album de Beliefs. Vraiment une formation à suivre en provenance de Toronto. Donc, ça veut dire, s'ils viennent de Toronto, qu'on va peut-être avoir des chances de les voir souvent à Montréal. Donc, c'est bien. On va poursuivre maintenant avec Lamps, la chanson An Irrational Fear of Sailors. Vous êtes à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. danois de Ice Age avec Never Return qui se retrouve sur New Brigade, leur premier album qui est sorti en 2011. Et on devrait justement avoir du nouveau de leur côté de Ice Age en 2013. Ils ont déjà annoncé un deuxième album qui va même sortir le 19 février, c'est assez précis ça, hein, sur l'étiquette Matador. Et on pourrait peut-être espérer que l'album dure plus longtemps que le premier. Parce que je crois qu'il y a une dizaine de chansons sur cet album-là et ça dure moins de 20 minutes l'album. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer hein, sur le premier album de Ice Age. Et ils avaient aussi entendu dans le dernier segment Crooked Bangs, un groupe texan qui chante en français sur certaines de ses chansons. C'était la chanson Halfway Lucifer, mon amour. On va poursuivre avec Abbé Vigoda, la chanson Dream of Love, et ce sera suivi de Megaphonic Drift avec Tune Your Mind. Tout ça sur les ondes de CISM, c'est le 89.3, et vous écoutez toujours l'émission Le Terminus. Bonne écoute! Supermind flames, I'll announce my name. C'était Crabbe avec un nouveau document tiré de leur deuxième album Mort de fraîche date qui n'est pas encore sorti, va sortir le 19 janvier prochain. Et si vous, peut-être que la voix de Crabbe vous dit quelque chose, un petit quelque chose, en fait c'est un des projets, des multiples projets de David Dugas-Dion qui est aussi dans David and the Woods que j'avais reçu à l'émission je crois l'été dernier et qui a tourné beaucoup à CISM dans les derniers mois. Sinon, Crabbe, ben, ils se définissent comme faisant du mat rock. Ça veut dire qu'habituellement, quand un groupe se donne ce qualificatif-là, c'est qu'ils font du rock assez compliqué qu'on a la difficulté à comprendre, avec des structures assez complexes. Donc, c'est assez unique hein, dans le portrait musical québécois du mat rock en français. Donc, Crabbe ont leur place. Donc, album mort de fraîche date. Qui va sortir le 19 janvier prochain. Je vous invite à aller voir ça sur leur Bandcamp. Je crois que c'est crabbe.bandcamp.com. Parlant de rock en français, on continue toujours avec un autre groupe en français. Ça va être Ponctuation et leur reprise d'Obéir à ses instincts dans la mesure du possible du groupe Le Monde dans le Feu. Ils font ensemble un split qu'on dit, ils partagent un disque ensemble qui vient de paraître sur Internet. Donc, on écoute tout de suite sur les ondes de CSM, Ponctuation, obéir à ses instincts dans la mesure du possible. Yeah. directement de la côte ouest américaine. C'était Naomi Punk avec Voodoo Trust. Et une autre belle recrue encore cette année pour Capture Tracks qui a sorti l'album The Feeling de Naomi Punk en septembre dernier. Et juste avant ça, c'était Waves, le tout premier extrait d'un album à paraître dans les premiers mois de 2013. Et cet extrait s'appelle Sail to the Sun. Reste à l'écoute, Zika Mendes suit dans quelques instants, sera avec vous dès 22h pour l'émission La MyFi. Et je crois que, oui c'est ça, Zika est en vacances cette semaine, donc il va vous représenter à nouveau son spécial hip-hop qu'il vous avait présenté, je crois, au mois de novembre dernier. Alors soyez là dès 22h pour La MyFi. Sinon, pour retrouver la liste des chansons qui ont joué ce soir pendant l'émission, vous pouvez vous rendre sur le CISM893. Vous allez également pouvoir la télécharger. Et aussi, archive de l'émission, c'est toujours sur leterminus.ca. On va se quitter avec un projet instrumental qui s'appelle Danger Beach. Et de l'album Pacific, ce sera la chanson Neon. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle le vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. Ciao!